Chapitre 4. Au peuplier. 15 jours plus tard, sur une belle pelouse descendant en pente douce jusqu'au bord de la Loire, une compagnie joyeuse de jeunes filles vêtues de robes claires et de jeunes hommes costumés de flanelles rayées se livrait à une partie de tennis. Un peu en arrière, près de la maison de briques rouges, n'affectant aucun air de château, mais présentant les simples et belles proportions d'une confortable habitation moderne, les gens sérieux causaient autour d'une table à thé. La maîtresse du logis, douce et majestueuse figure auréolée de cheveux blancs, se reconnaissait à son attention hospitalière pour les besoins de chacun. Madame Caudal rayonnait. Elle avait son René, l'objet de ses pensées de tous les instants, son orgueil, son espoir, le seul qui lui resta de temps d'être cher. Par un hasard bienfaisant, les alternatives cruelles de désolation et de joie que la connaissance des faits lui eût apportées avaient été épargnées à son cœur de mère. Personne n'avait été trop pressé d'annoncer à la pauvre veuve la mort de son fils unique, si bien qu'elle avait appris en même temps et l'accident de mère et le bonheur inespéré qui lui rendait René. Certes, même avec leur dénouement heureux, ces étranges nouvelles n'avaient pas été sans l'ébranler profondément, et sa jeune favorite et conseillère, mademoiselle Hélène Rieux, avait eu fort à faire pour étancher ses larmes, la consoler et la réconforter. La mère éplorée avait éclaté en reproches contre cette détestée profession, contre cette mère affreuse qui lui avait tant pris, qui ne voulait même pas lui laisser son seul enfant. Mais Hélène lui avait bientôt démontré qu'elle ne devait pas se plaindre, puisque René, après tout, était sain et sauf, que, du reste, on mourait tout aussi bien et moins glorieusement dans son lit que sur la mer, témoins ses voisins sur qui leur toit s'était effondré subitement une nuit, et qu'enfin on serait doublement content de revoir l'absent après sa terrible aventure. Bonnes ou mauvaises, il avait bien fallu accepter ses raisons, et d'ailleurs, en revoyant son René, ce qu'il y avait de meilleur et de plus beau au monde, selon l'excellente dame, elle avait oublié tous ses chagrins. Grand, bien découplé, la tête fièrement posée, l'air martial, l'œil franc et dominateur, les mouvements souples et harmonieux, c'était un bel officier que René Caudal, et capable de satisfaire l'orgueil maternel le plus exigeant. Il revenait, il est vrai, un peu pâle et amaigri, mais cela n'était pas pour le rendre moins intéressant aux yeux de la jeunesse du voisinage accourue pour le fêter. Au contraire, on aurait pu remarquer, parmi les aimables joueuses de tennis, un redoublement de grâce et d'amabilité à l'adresse du voyageur. Mais, à part la banale courtoisie que demandait son rôle de fils de la maison, aucune d'elles n'aurait pu se flatter d'attirer particulièrement l'attention du jeune aspirant. En vain les plus fraîches toilettes avaient été mises en réquisition. En vain les mots les plus flatteurs, les rires les plus flûtés, lui étaient décochés. Dans ses regards, on lisait une préoccupation distraite, dans sa voix, ses gestes, toute son allure, une sorte d'absence. « Ce n'est plus le René Caudal d'autrefois, » disait la petite Félicie Arglade entre deux coups de raquette. « On nous l'a changé en voyage. Il n'a d'yeux et d'oreilles que pour Hélène. » « Après ces terribles traverses, » plaidait doucement le docteur Patrice, avec qui doit-il avoir plus à cœur de s'entretenir qu'avec sa cousine, sa compagne d'enfance ? Pour moi, je n'ai jamais pu comprendre ces mariages entre cousins, disait Félicie d'un ton de délicatesse supérieure. Mais qui vous presse-t-on de les marier ? Demandait en passant mademoiselle Luzan, une blonde et grande jeune fille à l'air doux, au front sérieux. Si je connais bien Hélène, M. Caudal est la dernière personne au monde qui lui viendrait en tête d'épouser. Alors ? Reprenait la jeune Félicie un peu radoucie. « Pourquoi chuchote-t-il ainsi dans tous les coins ?»« Il ne chuchote pas !» protesta mademoiselle Luzan. « Il cause !»« Et comment peut-on s'en étonner ? Ne savez-vous pas que M. Caudal a tout récemment échappé à la mort ? Ne seriez-vous pas, tout autant qu'Hélène, désireuse de savoir les moindres circonstances de son aventure ?» En réalité, sans qu'on pût, comme Félicie, les accuser de chuchoter, Il était bien évident qu'Hélène et René avaient beaucoup à se dire, et pour ceux qui n'étaient point dans la confidence, il n'était pas surprenant qu'ils supposassent toutes sortes de choses étrangères à la vérité. Mais d'où venait que Madame Caudal, qui avait entendu le récit des aventures de René, Étienne Patrice, qui en avait eu la primeur, partageait ses illusions? Pourquoi Madame Caudal était-elle si rayonnante et le docteur si attristé? C'est que l'une croyait voir enfin la réalisation de ce qu'elle désirait, l'autre de ce qu'il appréhendait depuis longtemps. Cet accident a touché leur cœur, se disait la brave dame. À quelque chose malheur est bon. L'ondine cède le pas à Hélène, pensait de son côté le docteur en soupirant. Allons tant mieux, ne jouons pas ici le rôle du chien du jardinier et sachons-nous réjouir du bonheur de nos amis. Tous deux se hâtaient un peu trop de conclure. Le grand sujet des conférences de René et d'Hélène, ce qu'ils poursuivaient dans les bois, au bord de la rivière, au salon, au tennis, c'était la discussion, le développement inépuisable des aventures de René. En arrivant, au milieu des effusions du retour, des pleurs et de la joie maternelle, il n'avait pu se tenir d'en faire la confidence à sa mère et à sa cousine. Car le sujet avait été clos d'un commun accord entre le docteur et lui, Caudal ayant senti chez son ami, sinon de l'hostilité ou du scepticisme, du moins une répugnance marquée à l'encourager sur ce terrain. Et comme plus il allait, plus le souvenir devenait vivace, plus forte l'obsession, plus impérieux le besoin de parler ou d'agir, en revoyant ses plus chères affections, il avait laissé déborder son cœur. À son extrême déception, Madame Caudal avait paru non pas incrédule, mais plutôt mécontente, froide, sévère même. Et lorsqu'il avait eu fini de parler, elle avait prié son fils, très gravement, de ne plus jamais revenir sur ce sujet en sa présence. Hélène, elle, n'avait pas dit un mot, mais ses yeux étincelants parlaient pour elle. Et quand René, désappointé et perplexe, cherchait dans son regard appui et sympathie, elle lui avait fait rapidement signe de changer de sujet. Plus tard, lorsqu'ils se retrouvèrent sous les grands peupliers qui donnent leur nom au domaine, elle lui avait expliqué son attitude. « Inutile de tourmenter ma tante du récit de cette merveilleuse aventure ou de lui laisser pressentir des projets que je devine, » avait-elle dit. « Tu sais quelle rancune elle nourrit pour la mère. C'est comme une haine personnelle entre elle et l'élément liquide. Je crois qu'elle n'est pas éloignée de considérer en elle une puissance fatale, maudite. » Nous ne devons lui savoir que plus de gré d'avoir accompli avec tant de générosité le sacrifice qu'exigeait ta vocation. Si elle croyait, si elle pouvait savoir que l'abîme des mers t'attire et te réclame aussi bien que leur immensité, que tu es appelé sans doute au périlleux honneur d'explorer des régions ignorées, mystérieuses, perfides peut-être, elle ne vivrait plus la pauvre âme. Épargne-lui ce tourment. Elle t'a défendu de lui parler jamais de toutes ces choses. Obéis-lui simplement. Quant à moi, ai-je besoin de te le dire? J'entre dès aujourd'hui dans tes plans, tes ambitions. Tu sais que je les ai toujours partagées. Quelquefois, souvent plutôt, je rêve que je poursuis la glorieuse carrière du marin. Je sens l'air vivifiant du large passer dans mes cheveux. Je crois commander un navire. Je me vois affrontant avec nos braves matelots la fureur des tempêtes, abordant des îles inconnues, rapportant des plantes, des bêtes, des matières nouvelles, changeant l'aspect des cartes de géographie. Et je me réveille, Hélène rieux comme devant, ajouta la jeune fille avec un rire de bonne humeur. Ne crois pas que je me plaigne de mon sort, mais j'admirerai vers la glorieuse profession de mon grand-père, de mon oncle, la tienne. Et je serais aussi fière de tes exploits que s'ils étaient miens. Tout cela est afin de te dire que tu ne dois pas chercher ici d'autres confidents que moi pour des projets encore informes, encore indistincts, on ne peut plus délicats. On ne comprend parfaitement que ce qu'on aime, et je sens assez moi-même qu'il faut une influence héréditaire particulière pour me faire sauter de plein pied et sans hésitation dans une certitude absolue de ta véracité. Aussi bien qu'un autre, je vois ce qu'il y a d'incroyable dans ton aventure, et pourtant j'y crois. Ce qui me persuade, ce n'est pas comme Étienne, la seule confiance en ta loyauté, la conviction de ta lucidité d'esprit, le témoignage de la bague. Non, c'est l'œil de la foi, voilà tout. Il me semble que cela doit être, parce que lorsqu'on est explorateur né, on va droit à la découverte, parce que tu étais appelé d'origine à voir ce que d'autres n'ont point vu. Bref, je crois, parce que je crois. Rien ne pouvait être plus satisfaisant qu'une pareille confidence. Aussi Renée ne se lassait pas plus de compter qu'elle d'écouter. De là les fausses conclusions de Madame Caudal, du pauvre docteur et des bonnes amies. À chaque instant, Hélène et Renée éprouvaient, comme des complices, le besoin de quelques confabulations mystérieuses. Renée avait négligé de détailler quelques perfections de sa déesse, ou bien Hélène avait à suggérer quelques nouvelles hypothèses, à redemander le récit de quelques circonstances oubliées. Et surtout, on creusait la question. Comment retrouver le séjour enchanté de ces personnages augustes? Comment obtenir le temps, les moyens de le tenter? Comment tout combiner sans donner l'éveil à Madame Caudal? Sur deux points, Hélène était également résolue. Épargner à la mère de Renée toute angoisse, toute anxiété inutile. Encouragée de tout son pouvoir, ce qu'elle considérait comme l'accomplissement d'un devoir, d'une mission de choix.